بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا في دراسة القاعدة السادسة فنواصل دراسة القاعدة السادسة سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل وبعد Donc on est toujours sur l'étude de la sixième règle concernant les attributs divins. Et la sixième règle, c'est l'avant-dernière règle concernant les attributs divins. Ensuite, l'auteur va mentionner d'autres règles, et cela, ces règles-là seront liées au texte, comme on le verra dans ce qui viendra. Dans la première partie, donc, l'auteur avait cité des règles concernant Al-Asma, les noms divins, et dans cette deuxième partie, l'auteur mentionne des règles concernant les attributs. Et donc, nous sommes arrivés à la sixième règle. On avait commencé l'étude de la sixième règle. Ensuite, concernant les règles liées aux attributs d'Allah Azza wa Jal, l'auteur a mentionné sept règles. Donc, on est dans l'étude de l'avant-dernière règle concernant les attributs divins. On avait appris dans cette sixième règle que l'auteur dit « Yalzamu fi ithbat al-sifati » التخلي عن محظورين عظيمين. Il incombe dans l'affirmation des attributs de se préserver, de délaisser deux interdits majeurs, de renoncer à deux interdits majeurs. Il dit ce qu'on appelle premièrement التمثيل et deuxièmement ce qu'on nomme التكييف. Ce qu'on nomme التمثيل et التكييف. Dans la première partie, dans la précédente séance, on avait mentionné ce que l'auteur a cité concernant la première partie ou le premier interdit, التمثيل. التمثيل. Et aujourd'hui, on va étudier la deuxième partie, التكييف. Et donc, dans la première partie, c'est-à-dire le premier interdit qu'avait cité l'auteur, التمثيل, on a dit At-Temthil, c'est le fait de comparer, le fait de donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant de la comparaison, de la similitude. Et donc, en ce qui concerne At-Temthil, l'auteur nous avait enseigné, premièrement, que ce qui prouve l'interdiction de cela, ce sont les arguments, premièrement, scripturaires, c'est-à-dire textuel, dans le Coran, et la cité des versets. En l'occurrence, la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Laysa kamithlihi shay » ou la parole d'Allah « Afaman yakhluqu kaman lam yakhluq, afaman yakhluq kaman la yakhluq, afala tadhakkaroun » Par exemple, dans ce verset, où Allah Azza wa Jal dit « Est-ce que celui qui crée comme celui qui ne crée pas, allez-vous réfléchir ?» Et la cité d'autres versets concernant cela. Ensuite, l'auteur nous a enseigné qu'il y a aussi des arguments rationnels liés à la raison qui prouvent que comparer le créateur aux créatures est interdite. Et donc, le fait, lorsqu'on dit l'interdiction qu'il faut renoncer lors de l'affirmation, cette règle-là est relative au fait de renoncer lors de l'affirmation des attributs d'Allah Azza wa Jal, puisqu'on a dit que le croyant ne peut que affirmer les attributs divin. Pourquoi ? Puisque Allah Azza wa Jal se les est lui-même attribués. Il les a affirmés lui-même, pour lui-même, pardon. Donc de ce fait, le croyant ou la croyante ne peuvent que affirmer ce qu'Allah Jalla wa Ala s'est attribué pour lui-même ou ce que son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, s'est affirmé pour lui-même. Et donc, sans avoir recours à la comparaison, sans faire de comparaison entre le Créateur et ses créature. Et l'interdiction de la comparaison, elle est aussi bien indiquée par les textes, par l'épreuve, mais aussi par la raison. C'est pour cela que, en ce qui concerne les arguments rationnels, l'auteur avait dit premièrement. Il avait dit, on sait nécessairement qu'il y a entre le créateur et la création une différence au niveau de l'essence, c'est-à-dire au niveau de l'être. Cela implique qu'il y ait nécessairement une différence entre eux au niveau des attributs, parce que l'attribut est spécifique à celui qui en est qualifié. Ça, c'est la parole de Shams al-Uthaymeen dans le texte. Alors il dit, cela paraît clairement dans les attributs des créatures, lesquelles possèdent des essences différentes. Par exemple, la force d'un dromadaire diffère de celle d'un microbe. C'est la différence entre les créatures qualifiées d'adventicité, c'est-à-dire, ils ont traduit ça par al-hudouth, d'adventicité ou de contingence, c'est la traduction de al-imkan. Al-imkan apparaît évidente. Donc cela apparaît évident. Cette différence entre la créature et le créateur est encore bien plus évidente et plus importante. Donc si déjà entre les créatures il y a différence, alors entre le créateur de ces créatures et ces créatures-là, alors la différence est plus grande. Deuxième point, concernant les arguments liés au aql, à la raison, Shams al-Uthaymeen dit, comment se peut-il que le Seigneur, créateur et parfait, sous tous les aspects, soit comparable au niveau de ses attributs. La créature asservie et imparfaite qui a besoin qu'on lui apporte la perfection. Comment le créateur peut-il être comparé à cette créature qui a besoin qu'on lui apporte cette perfection alors que lui, il est le parfait, subhanahu wa ta'ala. Une telle croyance n'est-elle pas une atteinte au droit du créateur? La comparaison du parfait avec l'imparfait fait du parfait un imparfait. Regardez ce que l'auteur nous enseigne, Shams al-Uthaymeen, il dit la comparaison du parfait avec l'imparfait fait du parfait donc un imparfait. Donc ça c'est, vous avez vu, c'est des arguments rationnels qui indiquent qu'on ne peut pas et qu'il est interdit et qu'il faut renoncer à la comparaison entre le créateur et ses créatures. Et il dit troisièmement, parmi les arguments aussi, troisièmement, il dit, l'auteur, nous constatons aussi, chez les créatures, ce qui s'accorde au niveau du nom, tout en se différenciant au niveau de la réalité et de l'aisance. Et là, ce que mentionne l'auteur est très important, pourquoi? Parce que là, on constate qu'il peut y avoir un accord au niveau du nom, une participation au niveau du nom. Par contre, s'il y a un accord au niveau du nom, c'est ce qu'on appelle al-musamma, ça n'exclut pas la différence qu'il y a au niveau de la réalité et de l'essence. C'est ce que les doctrines innovatrices et négatrices des attributs divins nient. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'il peut y avoir un accord au niveau du nom, mais une différence au niveau de la réalité et de l'essence. Par exemple, lorsqu'on dit l'attribut de la main, il y a un accord au niveau de l'appellation et du nom, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un accord au niveau de la réalité de l'attribut. Ça, c'est un exemple que je vous donne, et comme cela dans, à travers les attributs. Donc regardez, il dit, nous constatons chez les créatures ce qui s'accorde au niveau du nom, tout en se différenciant au niveau de la réalité et de l'essence. Ainsi, l'homme possède des pieds qui ne sont pas comme ceux de l'éléphant, qu'il possède une force qui n'est pas pareille à celle du dromadaire, bien qu'ils aient en commun, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le nom. Par contre, ils ont en commun le nom. Et ça, beaucoup de doctrines innovatrices qui ont émergé dans les premiers siècles dans le monde musulman, et lorsqu'ils ont fait apparaître ces dérives au niveau de la croyance, au niveau du domaine des noms et des attributs divins, c'est-à-dire du Créateur, cette règle-là, ils ne l'ont pas assimilée. Du fait qu'il peut y avoir donc un accord au niveau du nom, mais pas forcément un accord au niveau de la réalité et de l'essence. Ça, c'est très important. Il dit, chez l'homme, comme chez ces deux animaux, on parle de deux choses communes, pied et force. Sauf que, même si c'est ces créatures, il y a un accord au niveau de l'appellation et on parle de deux choses communes, le pied par exemple et la force. Par contre, on sait qu'il y a une différence, par exemple, entre le dromadaire, l'éléphant et autres, malgré qu'il y a ce point commun dans l'appellation. Mais il y a une différence entre elles au niveau de l'essence et de la description. On conclut quoi dès lors ? Il nous dit, on conclut dès lors que l'accord entre les noms de deux choses différentes n'implique pas que leur réalité soit la même. Ça, c'est très important, ça, il faut l'apprendre. Ça, il faut l'apprendre. Pourquoi ? Puisque les tendances innovatrices et les dérives négatrices, c'est-à-dire les doctrines négatrices des attributs divins, c'est sur ça aussi dont il y a une problématique dans leur croyance. Du fait que eux ne comprennent pas et n'acceptent pas et n'arrivent pas à concevoir qu'il peut y avoir un accord au niveau des noms et des appellations, sauf qu'il y a différence. Cet accord-là n'implique pas forcément un accord au niveau de la réalité. Il y a une différence entre eux, au niveau plutôt de l'essence et de la description, même s'il y a un accord au niveau du nom. Et c'est pour ça qu'à la fin, là on est à la fin du premier interdit, At-Temthil, ce qu'on appelle At-Temthil, du premier interdit, le fait d'affirmer les attributs divins sans chercher à comparer le créateur avec ses créatures. Lorsqu'on dit par exemple, parmi des attributs d'affirmation, puisqu'on a dit il y a des attributs d'affirmation et des attributs de négation. Les attributs affirmés, on a dit parmi eux, il y a des attributs d'information, informatifs, ce qu'on appelle thubutiya, sifat thubutiya, khabariya, khabariya. Par exemple, sifat al-wajh, l'attribut du visage. Donc regardez, il y a un accord au niveau de l'appellation. Les créatures, par exemple, ont cette appellation, ils ont un visage. Ils ont cette description. Donc cette appellation-là, ils ont ce qu'on appelle Al-Wajh. Le créateur s'est affirmé pour lui-même cet attribut. Sifat Al-Wajh, l'attribut du visage. Donc il y a un accord au niveau du nom. Par contre, est-ce que ça veut dire forcément qu'il y a un accord au niveau de la réalité de l'essence? Là, c'est ce que Ahl al-Bidah, c'est ce que les doctrines innovatrices dans les premiers siècles de l'islam, lorsqu'ils sont apparus et ont nié les attributs d'Allah, par exemple, eux ne concevaient pas qu'il y ait un accord au niveau de l'appellation. Pour eux, si on attribue à Allah Azza wa Jal Sifat al-Wajh, le visage, pour eux, ce visage-là est comparable au visage des créatures. Donc ils ont dit, on ne peut pas comparer le créateur aux créatures. Donc ils ont nié Sifat al-Wajh, l'attribut du visage. Or ici, l'auteur nous enseigne qu'il peut y avoir accord au niveau de l'appellation, mais pas forcément un accord au niveau de la réalité de l'essence. Et ça, c'est donc très important. Ensuite, en terminant le premier point, ce qu'on appelle « At-Temthil », At-Temthil, donc la comparaison. En arabe, il nous dit ensuite qu'on peut exprimer ça en arabe avec soit le terme At-Temthil, mais on peut l'exprimer avec At-Tashbih. C'est pour ça, dans certains livres, vous allez voir que certains grands savants, certains grands auteurs utilisent le terme At-Tashbih pour dire Bil At-Tashbih, sans faire de comparaison. C'est-à-dire, la règle est qu'on affirme qu'on croit aux attributs divins, aux attributs d'Allah Azzawajal, lakin, sans comparer le créateur aux créatures. Allah, par exemple, wa sami'a. Allah est l'audient. Allah, il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, à lui appartient sifat sama, l'attribut de l'audience. Mais, sama d'Allah Azzawajal n'est en aucun cas comparable au sama à l'audience des créatures. Donc si on affirme l'attribut de Sama, on peut rester maintenant sur le terme en arabe, à Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui-même se l'est attribué subhanahu wa ta'ala fi kitabi al-azim, ça ne veut pas dire qu'on compare le créateur aux créatures. Pourquoi ? Parce que comme on vient de le citer et l'apprendre, l'accord du nom, s'il y a un accord au niveau de l'appellation et du nom, par exemple As-Sam'a, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un accord au niveau de la réalité de l'essence. Et si on a compris ça, alors on comprend mieux le sujet. Et on comprend mieux aussi les dérives qui ont émergé dans les premiers siècles dans le monde musulman concernant ces questions de croyance. Et donc l'auteur, pour terminer cette première partie concernant At-Tamthil. Pourquoi ? Parce qu'il nous cite dans cette règle deux interdictions dont il faut renoncer. On a dit première chose, At-Tamthil. At-Tamthil. Certains savants, vous allez retrouver dans certains livres, ils appellent ça Tashbih aussi. At-Tashbih. Donc on pourrait dire, il faut renoncer au Tashbih en arabe, ou il faut renoncer, on peut dire, on peut exprimer de la sorte, At-Tamthil. Il faut renoncer au Tamthil. On peut exprimer de ces deux manières. C'est pour ça que, aussi bien dans le monde musulman, lorsqu'est apparue la doctrine de la négation des attributs divins, du fait que ça c'est l'extrême dans la négation, ils ont nié les attributs divins, est apparu aussi l'extrême, son opposé, dans l'affirmation des attributs, en affirmant et en faisant comparaison. Donc ça, c'est apparu. C'est une réalité. Il y a une doctrine, par exemple, qui est nommée Al-Mushabbiha, du terme At-Tashbih. On peut les nommer Al-Mumathila aussi. Donc il y a une doctrine à l'inverse de la croyance et de la doctrine négatrice, c'est-à-dire des partisans de la négation des attributs divins. Il y a l'opposé, ceux qui ont affirmé, mais avec exagération, avec roulou. Donc vous avez vu, l'exagération et l'extrémisme dans la religion se fait dans différents domaines. Dans différents domaines. Donc certains ont fait de l'exagération et de l'extrémisme, du relou, dans le domaine de l'affirmation. C'est pour ça, si vous observez, tous les temps, vous observez le dogme et la croyance des gens de la sunna, depuis les premiers temps, c'est toujours la position médiane et modérée. Al-wasat. Al-wasat. Par exemple, en ce qui concerne les attributs divins, il nie les attributs divins puisqu'Allah Azzawajal se les a affirmés pour lui-même et se les a attribués dans son livre et son envoyé, le prophète Mohammed, prière et bénédiction sur lui, les a affirmés pour Allah Azzawajal. Et ni on les confirme et les affirme avec extrémisme et exagération en comparant le créateur aux créatures. Et c'est ce qu'on a hérité de nos pieux prédécesseurs depuis l'époque des compagnons. Voilà la croyance qu'on a héritée. Ceux ensuite qui ont dévié de cette croyance-là, c'est qu'ils ont adopté des doctrines qui ont émergé plus tard. Mais en aucun cas, c'était les enseignements des compagnons du prophète, c'est-à-dire ce qu'ils ont appris auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur, dans cette première partie, il conclut le premier interdit qui est un tamthil en disant, regardez, il va faire une petite allusion aux deux termes. At-Tashbih kat-Tamthil. Il dit les deux termes, donc en arabe on a At-Tashbih, on a At-Tamthil. En fait, il dit, pour cela certains savants ont exprimé avec le terme At-Tashbih. C'est pour ça que les tendances innovatrices, les partisans de l'affirmation exagérée en comparant le créateur aux créatures, on les appelle Mushabbiha. Al-Mushabbiha. Dans, lié au terme At-Tashbih. At-Tashbih. C'est pour cela que de grands imams disaient Al-Mushabbiha Ya'buduna Sanama, yani Al-Mujassima. Al-Mujassima Ya'buduna Sanama, Wal-Mu'attila Ya'buduna Adama. Ceux qui font de la comparaison, eux, c'est comme s'ils adorent une idole. Et ceux qui font de la négation, c'est comme s'ils adorent le néant. Puisqu'il n'y a pas d'attribut. Le Créateur n'est pas comme cela. Le Créateur n'est pas comme ceci. Il n'a pas de description, pas d'attribut. Il nie tout au sujet du Créateur. Donc les grands imams de la nation ont dit, c'est comme si en fait ils adorent le néant. puisqu'Allah Azzawajal n'est pas au-dessus des cieux. Allah, pour eux, n'est pas élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas tel attribut. Allah n'est pas qualifié par tel et tel attribut. Il nie tout au sujet du Créateur. Jusqu'à ce que la doctrine la plus extrémiste nommée et appelée Al-Jahmiya, depuis les premiers temps, affiliée au leader Jahm ibn Safwan, eux ont nié catégoriquement aussi bien Al-Asma ou Al-Sifat. Donc si on leur demande de décrire leur Créateur, quelle est la connaissance de leur Créateur, c'est comme s'ils adorent le néant. Mais ceux qui exagèrent dans l'affirmation des attributs, qu'on nomme Al-Mujassima, qu'on peut nommer aussi Al-Mushabbiha, Yarbodona Sanama, ils se sont façonnés une sorte d'idole à leur image. À leur image. Ici, l'auteur donc nous dit At-Tashbih At-Tamthil. En fait, les deux termes, on peut utiliser At-Tashbih, c'est comme At-Tamthil. On peut utiliser en fait les deux termes pour dire sans comparaison. On affirme les attributs divins sans comparaison. Donc on peut aussi bien utiliser At-Tashbih que At-Tamthil. Sauf qu'il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux termes, comme on avait fait allusion à cela dans des assises précédentes. Dans la langue arabe, lorsqu'on utilise le terme At-Tamthil, c'est pour ça que beaucoup de savants utilisent le terme At-Tamthil. On voit en l'occurrence que l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Athaymin, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a utilisé le terme At-Tamthil. Il s'exprime de cette manière. Pourquoi ? Parce que At-Tamthil, c'est At-Taswiyatu fi kulli sifat. At-Tamthil, c'est le fait vraiment de comparer, mais de donner à semblable à travers tous les aspects. À travers tous les aspects. En d'autres termes, ici, ils traduisent par At-Tashbih qui a la ressemblance et comme At-Tamthil. Cependant, on peut les distinguer de la manière suivante. Le Tamthil est l'égalité au niveau de tous les attributs. C'est-à-dire que At-Tamthil, c'est lorsque vraiment il y a similitude. On dit un tel est comme un tel, mais à tous les niveaux, à travers tous les aspects. At-Tashbih, c'est ressembler, mais pas dans tout. C'est pas à travers tous les aspects. At-Tamthil, vous avez vu le terme mithl. C'est comme, donc à travers tous les aspects. C'est pour ça qu'on dit similitude. Il est similaire. Donc ça, c'est plus précis. Lorsqu'on dit At-Tamthil, c'est lui donner un similaire. C'est une ressemblance à travers tous les aspects. Tandis que At-Tashbih, il lui ressemble. Mais pas forcément à travers tous les aspects. Mais dans tous les cas, aussi bien lorsqu'on utilise le terme en arabe At-Tamthil ou bien At-Tashbih, c'est dans le sens de donner un semblable. Donner, par exemple, comparer, faire de la comparaison ou de la ressemblance. Ou de la ressemblance, c'est ce point qui est interdit lorsqu'on attribue Allah Azzawajal et on affirme un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au Tashbih, regardez ce qu'il dit, c'est l'égalité au niveau de la majorité des attributs, mais pas dans tout. Donc maintenant, vous allez mieux comprendre, regardez. Si je vous lis maintenant la traduction. Vous avez vu, lorsque vous lisez traduction, parfois c'est pas forcément clair à la première lecture. Regardez ce qu'on a expliqué. Si vous avez compris maintenant la différenciation qu'il y a entre le terme Tamthil ou At-Tashbih, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est ce que l'auteur veut exprimer. Je vous le lis en français et c'est à vous de vous dire si par exemple on n'avait pas fait l'explication, vous aurez eu le passage. Est-ce que vous l'avez compris comme ça ? Ça, parfois la traduction, c'est pas forcément l'explication. Regardez, ils disent At-Tashbih, ressemblance. Et comme le Tamthil, similitude. Jusque-là, c'est bon. On peut cependant les distinguer de la manière suivante. Le Tamthil est l'égalité au niveau de tous les attributs. Quant au Tashbih, c'est l'égalité au niveau de la majorité des attributs. Ils l'ont exprimé de cette manière-là. S'exprimer de cette manière, mais, si vous voulez, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Tamthil, c'est lorsque vraiment on fait de la ressemblance, mais au niveau de tous les aspects. Un tel est comme un tel. Tandis que At-Tashbih, un tel ressemble à un tel dans la majorité des descriptifs et des qualités. Mais pas dans tout. Il n'est pas similaire. Voilà, ça c'est la différence qu'il y a entre At-Temthil ou At-Teshbeh. Et ça c'est important lorsque ensuite vous allez évoluer dans la lecture de livres, de dogmes et de croyances. وَخَصَّةً فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ, surtout dans le domaine des noms et des attributs, ces mustalahat-là, ces terminologies-là et ces termes-là, il faut en avoir une maîtrise. ثُمَّ قَالَ, mais ensuite il dit, regardez, cependant, user de l'expression نَفِي التَّمْثِيلِ ou la négation de la similitude prévaut. Prévaut car étant en accord avec l'expression coranique. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qu'il dit. En arabe, en fait, vous savez, à un moment donné, lorsqu'on lit en arabe, c'est plus simple qu'en français. En arabe, par exemple, vous lisez لَكِنَ التَّعْبِيرَ بِنَفِي التَّمْثِيلِ أَوْلَى لِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ. C'est plus simple, c'est plus clair. Il y a les termes en arabe, par exemple, lorsqu'on lit. Parfois, vous avez vu, il y a des expressions comme ça, on les lit en arabe, on comprend plus simplement que lorsque c'est traduit. Là, ce que Shir veut dire, il veut dire, par contre, exprimer par la négation du temthil prévaut, c'est prioritaire. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on affirme les attributs divins sans faire de temthil, en renonçant au temthil, il dit ça prévaut, c'est mieux. Que dire sans teshbih? Sans teshbih. Vous savez pourquoi? Ça prévaut, en quelque sorte, de s'exprimer et d'utiliser le terme bila temthil. Pourquoi? Parce que là, on sera en concordance, on sera plus en cohérence avec le texte, avec le Coran. Avec le Coran. Pourquoi? Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Laysa kamithlihi. Laysa kamithlihi. Mithlihi, vous avez vu, ça vient. Mithlihi, le terme temthil vient de mithl. Et donc, il dit, en s'exprimant avec at-temthil, c'est pour ça qu'il a utilisé le terme at-temthil. Il aurait pu dire teshbih, comme c'est utilisé par certains savants. Mais il dit, il prévaut. Lorsqu'on parle de négation et de dire sans temthil, c'est mieux de dire prévaut d'exprimer de la sorte. لِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ, parce que c'est en accord avec le Coran. Dans le Coran, il a dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ. Et je vous réfère aussi à la dernière assise, on avait expliqué une très belle faïda de l'auteur, lorsque l'auteur nous a expliqué le verset et donné une très belle interprétation du verset dans, à travers une analyse en langue arabe et du fait que dans le terme كَمِثْلِهِ on a la première particule Ka, la harf, c'est une lettre, une particule ka, et on a mithl, le nom, al-ism, mithl, ka, mithli, c'est pas un seul mot, c'est un mot, mais en fait on a deux choses, on a la particule, on a la harf plutôt, kaf, ka, et on a al-ism, mithl, mithl, et on avait dit le sens que ça donne lorsque les deux sont liés. Lorsque les deux sont liés, et je vous réfère à la dernière assise où on avait lu l'interprétation de l'auteur, une belle faïda sur le verset Laysa kamithlihi shay, et l'interprétation de différents savants et leur compréhension par rapport au lien entre les deux, la particule al-harf kaf ka mithlihi mithlihi, pour bien comprendre justement les textes. Maintenant, on peut passer au deuxième interdit lors de l'affirmation des attributs divins. Le deuxième interdit, c'est le terme at-takyif. Donc là, on a expliqué at-tamthil, c'est le fait de faire de la ressemblance, de la comparaison. Donc tous les attributs divins, lorsqu'on lit dans le Coran, tous les attributs qu'on affirme pour le Créateur subhanahu wa ta'ala, la règle premièrement, c'est qu'il faut éviter deux interdits majeurs. Le premier, c'est temthil, on ne fait pas de comparaison de ressemblance. Si les musulmans, tous les musulmans l'avaient assimilé, cela, et bien compris depuis les premières générations, alors beaucoup de musulmans s'auraient pu éviter justement de sombrer dans des tendances innovatrices et s'auraient pu éviter l'émergence de certaines doctrines. Si les musulmans étaient restés justement, lors de l'émergence de ces doctrines, sur ces bases-là. Le fait de renoncer à toute forme de ressemblance et de comparaison. Puisque ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer le créateur à la créature. Donc automatiquement, si on affirme un attribut, on ne parle pas de comparaison, on ne pense pas à la comparaison, puisque il est impossible que la créature soit ressemblante aux créatures, puisqu'Allah Azza wa Jalla dit « Laysa kamithlihi ». Allah le nie. Il nie qu'Allah Azza wa Jalla est insemblable. Que autre que lui soit comparable à lui, subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose maintenant, c'est le takyif. Regardez, c'est très pertinent ce qu'il va nous enseigner l'auteur. C'est la deuxième partie de cette sixième règle. Il dit, en ce qui concerne le takyif, vous savez bien, il y a le terme kayf. Kayfa. Comment? Donc, le takyif, c'est chercher le comment. Le takyif. Qala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل قال أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها أو تكييفها وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك فأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك وحينئذ يجب الكف عن التكييف وتقديرا بالجنان تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبيان أو بالبنان أو تحريرا بالبنان ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى أطرق رحمه الله تعالى برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان إذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها أو الخلاص منها وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزعاته من نزعاته فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك وقال الله جل وعلا وإما يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Donc là, on a fini la lecture de... Je voulais qu'on termine la lecture de ce point-là, c'est-à-dire de la sixième règle. La lecture de la sixième règle. Donc là, on a lu la parole en arabe de l'auteur concernant la sixième règle. Donc on va voir la traduction de ce que dit l'auteur concernant cette deuxième partie de cette règle qui est le fait de renoncer à ce qu'on appelle « at-takif ». « At-takif », donc le fait de chercher le « kaif ». De chercher le « kaif ». Cheikh Al-Uthaymeen nous dit... En ce qui concerne cela, quant à l'essence des attributs, cela revient, pour qui affirme les attributs, à croire que leur essence est comme ceci ou comme cela, sans les spécifier par quelque chose de similaire. Ceci est une croyance fausse, conformément aux arguments scripturaires, le Coran et la Sunna et les arguments rationnels. Donc Shir, dans un premier temps, il va nous expliquer qu'en fait, affirmer les attributs d'Allah en pensant, en cherchant le comment de ces attributs, que ça, c'est une croyance interdite. Et il va dire que c'est prouvé, c'est indiqué dans le Coran, par, c'est-à-dire les textes scripturaires, textuels, et aussi par les preuves rationnelles. Donc aussi bien il va citer des exemples au niveau des textes, et aussi des exemples au niveau de la raison. Que la raison aussi affirme le fait qu'on ne peut pas, et qu'on ne doit pas, à travers l'affirmation des attributs divins, chercher le comment de ces attributs. C'est pour ça qu'il exprime de la sorte, il dit, quant à l'essence, cette tekif des attributs, cela revient, pour qui affirme les attributs, à croire que leur essence est comme ci ou comme cela. D'une manière plus précise. La traduction, même là, elle est un peu, on va dire, elle est un peu subtile et complexe. En d'autres termes, pour être plus simple, par rapport à ce que dit l'auteur, il dit, « Amma tekif, fahuwa an ya'taqid al-muthbit » C'est quoi le takif? Je vous traduis littéralement ce qu'il dit. Il dit, c'est que celui qui affirme l'attribut, il pense que le comment de l'attribut est comme ceci, comme cela. Je vous répète ce que dit l'auteur dans la définition du takif. Il dit, le takif, chercher le comment, c'est quoi? C'est le fait que celui qui affirme l'attribut, il pense que l'attribut ensuite est comme ceci et comme cela. C'est ça en fait qu'ils veulent dire lorsqu'ils traduisent de cette manière, mais encore une fois, là, on lit cette partie en français. Ils disent, quant à l'essence de tekif, des attributs, cela revient... Pour qui affirme les attributs à croire que leur essence est comme ceci ou comme cela. Vous comprenez mieux maintenant? Sauf que là, dans la traduction, il aurait été bien de bien clarifier, spécifier que ça, c'est la croyance de ceux qui font le takif. Puisqu'ici, ça pourrait laisser sous-entendre que la croyance dans l'affirmation des attributs, c'est comme ci ou comme cela. Là, je veux bien dire, c'est les i'tiqad. C'est la croyance de ceux qui sont tombés dans ce qu'on appelle at-takif. Ceux qui sont tombés dans cette forme d'hérésie, at-takif, c'est quoi? C'est d'affirmer l'attribut divin en pensant que le comment de l'attribut est comme ceci, comme cela. Donc c'est que eux se sont imaginé le comment de l'attribut. Or nous, ce qu'on va apprendre, c'est que, est-ce qu'en fait, on connaît le comment? Non. Le comment pour nous, c'est quelque chose d'inconnu. C'est ça ce qu'on appelle majhoul. En ce qui nous concerne, on affirme l'attribut. Mais le comment de l'attribut, on ne le connaît pas. C'est quelque chose d'inconnu pour nous. Allah Azza wa Jal, il a des attributs qu'on lui affirme, et dont on lui attribue. Par contre, le comment de ces attributs, on ne les connaît pas. On n'en a pas la connaissance. Celui qui fait du taqif, lui, il a un taqid. Il pense que les attributs sont comme ceci, comme cela. Et l'auteur ensuite va nous donner, par exemple, des exemples, comme par exemple, pour l'istiwa. Le fait qu'Allah Azzawajal dit, le tout miséricordieux, c'est élevé, établi au-dessus de son trône. C'est ce qu'on appelle l'attribut de l'istiwa. L'istiwa, en fait, comment est l'istiwa ? Allahu a'lam. On ne sait pas. Comment est-ce qu'Allah Azzawajal s'est élevé, établi au-dessus de son trône ? On l'affirme, mais ça ne veut pas dire qu'on sait le comment. On ne sait pas, en fait. Pour nous, le comment, il est inconnu. Comment Allah Azzawajal istawa ala l'arsh, la nadri ? On ne sait pas. Par contre, on l'affirme. Donc, l'affirmer ne sous-entend pas forcément connaître le comment. Ceux, par exemple, qui ont sombré dans At-Takif et ont cru au Takif, eux pensent que l'attribut sont comment et comme cela et comme cela. C'est ça ce que nous cite l'auteur. Sauf que had al-i'tiqad, sauf que cette pensée-là de Takif, elle est batila. Cheikh nous dit, elle est fausse et caduque. Qu'est-ce qui prouve cela ? Premièrement, les textes. Deuxièmement, la raison même prouve cela. Donc vous comprenez mieux ? Regardez, je vous relis maintenant le passage en français. Imaginez-vous, vous n'aviez pas, par exemple, on n'a pas appris l'explication. L'explication de ce que dit l'auteur avec le charh et le commentaire. C'est vrai que ça peut, à première lecture, on ne peut pas forcément tout cerner. Ce qu'il est dit, le taqif. Quant à l'essence taqif des attributs, cela revient pour qui affirme les attributs à croire que leur essence est comme ceci ou comme cela, sans les spécifier par quelque chose de similaire. Ceci est une croyance fausse conformément aux arguments scripturaires. Le Coran et la Sunna est rationnel. Vous avez vu, c'est un peu plus complexe parfois en français. Pourquoi on fait allusion à cela ? Parce que parfois, on a souvent, ça arrive, que certains frères, ils lisent des livres, des œuvres, ils ont lu, ils lisent en français, et ils sont sûrs d'avoir compris avec exactitude et de cerner le sujet, ils en sont convaincus. Jusqu'à ce que même ensuite, ils pensent mieux comprendre que l'ulama. Et ça arrivait souvent, ça arrive souvent. Ils n'ont pas la maîtrise de la langue arabe, ils n'ont pas la maîtrise de la langue du domaine traité, ils lisent une traduction, donc en fait on est lié à la compréhension du traducteur, sans bien sûr rabaisser la tâche du traducteur, qui est un effort immense et louable, mashallah, sauf que le lecteur, il doit quand même émettre une réserve dans ce qu'il lit et se dire que parfois certains passages qui peuvent parfois porter à confusion ou lorsque c'est des passages sur des questions subtiles, alors il faut toujours pousser la compréhension et s'approfondir et faire des recherches et toujours se poser la question « Est-ce que j'ai bien compris ?» Or, on voit beaucoup, ils ont ouvert des livres, commencé à lire, ils n'ont pas suivi de cursus dans le domaine, ils n'ont pas la maîtrise de la langue arabe et de la langue du domaine, et ils pensent qu'ils ont bien compris et qu'ils maîtrisent le sujet. Et c'est de ça dont il faut être prudent. Ensuite, l'auteur, regardez ce qu'il nous dit. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'en fait, le taqif, de chercher le comment à travers l'affirmation des attributs, c'est pas possible et qu'il ne faut pas le faire. Aussi bien les textes. Il dit par exemple, en ce qui concerne dans le Coran, il cite un verset où Allah Azzawajal dit « Wa la yuhituna bihi ilma » alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Et dans un verset, Allah Azzawajal dit « alors qu'eux-mêmes, ils ne le cernent pas de leur science. » Par contre, concentrez-vous bien sur les textes que l'auteur nous cite. Ils sont très, c'est une argumentation qui est immensément et très pertinente. Vous allez voir. Donc, en fait, les versets sont nombreux, mais il va citer deux versets. Deux versets, puisque l'auteur résume. Mais vous allez voir, comprenez bien les deux versets. Il dit, dans un premier verset, Allah Azzawajal dit une traduction relative, et qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Il cite un deuxième verset célèbre, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dans un autre verset, Allah dit une traduction relative, ne suis pas ce dont tu n'as pas de connaissance. Certes, lui, il a vu le cœur, il y a pour tout cela un responsable. Ils seront interrogés. Allah Azzawajal nous dit, ne suis pas. Pourquoi ici ils ont traduit ne suis pas? Parce que wala taqfu, c'est la tattabi'a, c'est tattabwa, comme le disent certains savants. En l'occurrence, l'auteur va l'expliquer aussi de la sorte. D'abord, c'est le fait de suivre, de poursuivre, d'aller vers ce dont on n'a point de connaissance, ce dont on n'a point de savoir. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Allah dit, ne va pas vers ce dont tu n'as pas de connaissance. Regardez, parce que lui, il a vu le cœur, tout cela sera interrogé. Donc maintenant l'auteur au niveau des preuves scripturaires, ensuite il va citer des preuves rationnelles, il a cité deux versets. On voit que ces versets-là sont liés au savoir. Allah nous dit, ne suis pas ce dont tu n'as point de savoir. Dans le premier verset, alors qu'eux-mêmes, ils ne le cernent pas par leur science. Pourquoi l'auteur a cité deux versets liés au savoir? Regardez ce qu'il va dire. Écoutez bien, puisqu'on est dans le domaine de la croyance. Il dit, il est connu que nous n'avons aucune connaissance quant à l'essence, al-kayfiyya. Ici, ils traduisent pas l'essence, al-kayfiyya, c'est plus littéralement le comment. Mais c'est l'essence aussi. Mais on peut traduire aussi par le comment. En fait, est-ce que nous, on a la connaissance de l'essence même du comment des attributs? N'a pas la connaissance. Et une personne ne peut pas revendiquer avoir la connaissance du comment. Donc regardez ce que va dire l'auteur. On peut maintenant rester sur le terme al-kayfiyya. Vous comprenez maintenant le terme al-kayfiyya. Vient du terme kayf. Kayf, al-kayfiyya. L'auteur, regardez ce qu'il dit, Shamla Thaymin. Donc, nous n'avons aucune connaissance quant au kayfiyya, des attributs du Seigneur. Parce qu'il nous a informé des attributs et non de leur comment. Regardez. Parce que Allah Azza wa Jal, il nous a informé au niveau de l'attribut. Mais il ne nous a pas informé de l'essence de l'kayfiyya, du comment. Il ne nous a pas enseigné cela. Allah Azza wa Jal. Le fait de chercher, donc, à percer leur comment, leur essence, c'est-à-dire de ces attributs, revient à vouloir suivre ce dont nous n'avons pas connaissance et à parler de ce dont nous ne pouvons embrasser par notre savoir. Vous avez vu l'argumentation? L'auteur, il a cité juste deux versets. Il aurait pu citer énormément de versets. Si vous apprenez ces deux versets et un jour vous êtes dans une discussion face à une personne qui, par exemple, a sombré dans At-Takif, vous avez qu'à mémoriser ces deux versets. Et dans ces deux versets, Allah Azza wa Jalla nous dit de ne pas suivre ce dont on n'a pas de connaissance. Et si Allah ne nous a pas donné la connaissance du comment, alors on ne doit pas essayer de s'immiscer dans cela. Ça, c'est en ce qui concerne les arguments scripturaires. Ensuite, il dit, en ce qui concerne les arguments rationnels, il dit, il y a le fait que l'on ne peut connaître Al-Kayfiyya. Maintenant, on est dans la raison. Il a cité des preuves, des textes du Coran. Maintenant, on est dans la raison. Il dit, il y a le fait que l'on peut connaître l'essence, le comment, des attributs d'une chose qu'à travers la connaissance de l'essence de cette chose elle-même. Ici, comprenez bien, il va utiliser un terme qui est « that » en arabe. « That ». Là, c'est une règle très importante. En fait, on lit des choses, Shir nous les cite d'une manière très simple, l'auteur. Mais en fait, c'est des choses que vous allez retrouver dans les livres de croyance. Si vous avez compris ces bases-là que l'auteur nous enseigne, alors vous pourrez ensuite ouvrir d'autres livres. Puisque là, c'est des bases qui sont vraiment essentielles et fondamentales, très importantes. Regardez ce qu'il dit. En fait, ce qu'on est en train de traduire dans la langue arabe, il a cité « al-that ». « Al-that », c'est quoi? C'est pour ça qu'ici, en fait, il y a « al-kayfiyya » qui est traduite par « l'essence », mais « al-that » qui est traduit par les sens. Donc là, c'est vrai qu'en français, on peut avoir une incompréhension. Parce qu'en fait, les deux termes qui sont traduits par les sens, ce sont deux termes différents. C'est le kayfiya et on a that. Si vous revenez dans le texte en arabe. Ensuite, je vais vous lire la phrase qui est traduite ici pour bien comprendre. Donc regardez ce qu'il dit. Écoutez bien, ça c'est une règle. Ensuite, ça va vous aider à vraiment bien comprendre le sujet. Si vous comprenez bien le sujet, si un jour vous êtes face dans une discussion avec une personne, par exemple, qui adhère à la doctrine de la négation des attributs, ou bien à l'affirmation de manière extrême, avec comparaison ou autre, vous allez comprendre sa problématique et où, c'est-à-dire tout simplement avec nos termes à nous, son problème et où. Lorsqu'on trouve le problème, on peut y remédier. On peut y remédier. Par contre, lorsqu'à la base, on n'a pas trouvé où est le problème, il est difficile d'y remédier. Donc, de répondre aux problématiques. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez bien cela. Il dit, il y a le fait qu'on peut connaître l'essence, celle qui est fille de l'attribut d'une chose, qu'à travers la connaissance de l'essence de cette chose elle-même. Sauf que les deux mots, on ne peut connaître l'essence qu'à travers la connaissance de l'essence. Les deux termes d'essence qui sont traduits par le même mot en français, en fait, en arabe, sont différents, utilisés par l'auteur. Ici, si je vous reste en arabe, on ne peut connaître el kayfiya de l'attribut d'une chose qu'à travers la connaissance de that. That de cette chose. That, souvenez-vous, lorsqu'on a dit qu'il y a des sifat qui sont thatiya. En sifat, thatiya. That, c'est l'être. C'est l'essence même. C'est l'entité. That. Une traduction relative et rapprochée. That. El-Kayfiyya. Donc, comme on a dit, c'est le comment. Le comment de la chose. L'auteur, regardez, il nous dit. وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ لَا تُعْرَفْ كَيْفِيَّةُ صِفَتِهِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَّةِ ذَاتِهِ بِكَيْفِيَّةِ ذَاتِهِ. Je vais essayer de donner une traduction un peu plus simple. Par contre, lorsque je dis cela, ce n'est pas pour remettre en cause la traduction, qui est pertinente, mais c'est pour essayer de plus approfondir et mieux comprendre. Et mieux comprendre les termes, en arabe surtout. En fait, il dit, shir, c'est une règle très importante. La chose, on ne peut pas connaître le comment de ses attributs, donc on ne peut pas connaître le comment des attributs, il n'a qu'après connaître le comment, le kayfiyat that, de l'être, de l'essence même, de l'entité. Si l'entité, l'être lui-même, on ne le connaît pas, on n'a pas la connaissance, on ne peut pas avoir la connaissance du comment de ses attributs. Du comment de ses attributs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les savants disent « Al-kalam fi sifat, kal-kalam fi dhat ». Le parler sur les attributs, c'est comme parler sur l'être. C'est comme parler sur l'être. Donc, et ça, Shir, justement, il va bien l'expliquer. يعني كما أن ذاته غير معلومة الكيف عندنا فصفته كذلك غير معلومة. Pourquoi ? Il dit en fait, comme si l'entité, on ne connaît pas le comment de l'être, alors à plus forte raison, on ne connaît pas aussi le comment de ses attributs. Le comment de ses attributs. Idan, regardez ce qu'il va dire. Dans l'explication lui-même, Shiri dit, donc ça, c'est une règle importante. Non, je pensais que j'avais avancé pour qu'on termine la règle. Comme ça, dans la prochaine assise de demain, on commencera une nouvelle règle. J'aime bien qu'on termine une règle, ensuite la prochaine assise, c'est l'étude d'une nouvelle règle. Mais comme c'est un peu, il y a des règles très importantes là, dans la règle, il y a des règles, en fait, dans l'explication. Donc, on va juste terminer sur ça et on remettra le reste de l'explication à demain. Mais au moins comprendre cela. Là, en fait, dans ce qu'on est en train de dire, il sous-entend une règle que vous allez bien comprendre. Il dit « Idhan hadi qaidatun muhimma ». Ça, c'est une règle très importante. « Hiya anna shayla tu'raf kayfiyatu sifati illa ba'd al-ilmi bi kayfiyati dhatihi ». En fait, la chose, on pourra connaître le comment des attributs si on a la connaissance du comment de l'être. Donc, si on a la connaissance de that, de l'entité même, alors on peut avoir la connaissance de ses attributs. Mais si that, l'être lui-même, on n'en a pas la connaissance du comment. À plus forte, on ne peut pas connaître le comment de ses attributs. Pourquoi? Parce que c'est ça la règle que disent les savants, et ça vous allez l'entendre, ils le disent souvent dans leurs livres, parce que parler sur les attributs, c'est comme parler sur l'être, sur l'entité. Lorsqu'on parle des attributs d'Allah, on parle sur Allah. Donc celui qui ne connaît pas l'être, qui n'a pas vu Allah Azzawajal, il ne peut pas connaître le comment de ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu l'argument rationnel qui est très pertinent. Donc celui qui cherche le comment, en fait, il cherche le comment de l'attribut, mais c'est quelque chose dont il n'en a pas la connaissance. Il ne peut pas cerner cela. C'est impossible. Et pour cela que religieusement, il a mentionné les textes, ne suis pas ce dont tu n'as point de connaissance. Et donc de ce fait, ensuite, il dit... Si on a bien compris cela, il y a le fait que l'on ne peut connaître l'essence, le kéfiyya, de l'attribut d'une chose qu'à travers la connaissance de l'essence de cette chose elle-même, ou la connaissance de son égal, ou de quelque chose de similaire. Ou bien faudrait connaître quelque chose de similaire, quelque chose égal. Mais en ce qui concerne Allah, on ne lui connaît pas de similaire, on ne lui connaît pas de semblable, on ne lui connaît pas d'égal. Donc on ne peut pas connaître le comment. Le comment de son être. Si on ne connaît pas le comment de son être, on ne peut pas connaître le comment de ses attributs. Parce que la règle dit, lorsqu'on parle des attributs, c'est comme lorsqu'on parle de l'être. Wadah al-kalam, vous comprenez? Et donc, ou encore par le biais d'informations véridiques. Or, toutes ces voies, on a dit, est-ce qu'on connaît l'être? On a la connaissance du comment de l'être. Ou bien est-ce qu'on connaît, on a la connaissance de son égal, ou bien est-ce qu'on a la connaissance d'un similaire, ou bien par le biais d'informations, par exemple, véridiques. Il dit, toutes ces voies-là sont à exclure lorsqu'il s'agit de l'essence des attributs d'Allah. Toutes ces voies-là qu'on vient de mentionner sont à exclure lorsqu'il s'agit de l'essence même des attributs d'Allah Azzawajal. Il s'ensuit la fausseté de la détermination du comment at-takif de ses attributs. Nous disons également comment déterminer at-taqdir des attributs d'Allah. Ça, c'est une question qu'on va étudier demain, inshallah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.